Tu m'aimais, l'avenir pour nous deux, cela est bientôt funeste, ainsi que notre amour. Que tu m'aimais, l'avenir pour nous deux, cela est bientôt funeste, ainsi que notre amour, ainsi que notre amour. Ainsi que notre amour, ainsi que notre amour.